cas je me réveille, 9h je me lève, esquive mon père, looping et mess, ça va la chaîne. Pendant quoi je m'amuse sur MySpace, ça bourdonne sur mon adèle. Deux feuilles dans la veste, une clope à la pièce et le vieil inspecteur guette en survêtement. Allo Swin. Comment Sina, tu fais quoi? Voilà, je vais chez Joker là, je joue à la play un peu là. Ok, je joue un peu. Genre chez moi à cause, je croise un vélo West Coast, une meuf qui parle seul tout. Une connaissance et un punk, une odeur de skunk dans le bus. Moi je m'évade par la vie, je parle avec mes tracas, man, je suis dans ma galaxie. Je descends au dépanneur pour m'acheter un coca, un toxico me demande une pièce. Je vois un room qui boite de la gerbe sur le trottoir. Manifesto dans les tympans, 14h tapant, je vois un pote qui cherche un plan. Ça va, mec. Ok le gosse. Y'a rien à faire là? Bah rien du tout, bah qu'est-ce que c'est? C'est pas où il est, White là? Ah, il doit pas être fondé, mec! Putain, il existe trop ce gars! Ah ouais? Ouais, c'est sûr! Je dois appeler ce mec! Putain, y'a une bouteille qui est en train de me buter! Il est 2h de l'après-midi, mais le sommeil me fait lutter! La nuit était blanche comme ma face, y'a plus d'oseille dans mon futur! J'suis die! C'était le marathon de la tease et pas un foodie! Devant moi, ça joue au foot, ça s'insulte pour des broodies! L'esprit dans le tout, si c'est rien que j'en parle à mon Pucci. J'ai pu à te mettre en route, moi, pour rentrer à la mèche. Rêve de mon lit, à l'heure où les petits sortent frais, je vois qu'ils ont la pêche. J'ai la migraine, mon réveil sonne à midi. En wash pour petit déj, et y'a plus rien d'amical. Direction les minots, vois des dos sous le tunnel. Bon, évidemment, ça va niquer des têtes. À ta moule, bigrave les roses et les civils sont pas discrets. Vois un manouche plein de balades, et deux polos discutent entre eux. Tu bouffes le parquet, si tu parles mal, je t'avertis. Marche de travers et j'ai RDV avec Bip. Moi je continue mon chemin, je pense et je crache par terre. Je vois des gens bien et des sales choses comme Fabien Barthez. J'ai l'esprit dans l'espace, wow. J'ai l'esprit dans le cratère et les Allemands me dévisagent. À l'arrêt du tram 13, les chiens marchent de travers près des dealers de coke. Les temps sont durs, y'a pas taf pour les vendeurs de roses. Dans ma tête, j'suis bloqué en Dragon Ball et Kill Bill. Les boulangers font des chiffres en vendant des 8-6. Wow. Sans la tease, wow. J'ai mal digéré mon repas. RDV avec Bali. Et puis comme d'hab, j'suis en retard. J'vais des rondes, des zigzags, j'passe du silence au vacarme. J'entends des pleurs, des cadenas, j'trace en sens inverse ta marche. Non, bah, c'est bien quoi. Putain, j'suis trop fatigué. Ah, normal, hier c'était la fonce D. Hein. Normal. Mais là, bah. Oh, y'a As. Oh, on va essayer de ramener quelque chose à Gamelle. Donc certains vont perdre la mâchoire quand on marque nos terres.